Osmose. Osmose Radio. L'heure du loup. Le meilleur des musiques sombres sur Osmose Radio. Bonsoir à tous, chers amis, et bienvenue dans l'heure du loup, un nouveau programme musical sur Osmose Radio, comme vous le disait Dominique tout à l'heure, consacré aux scènes rock indépendantes, metal et new wave principalement. Je m'appelle Stéphane, enchanté, et désormais je vous accompagnerai tous les lundis soirs à partir de 19h pour une heure de musique sauvage dans l'heure du loup. Et pour commencer cette première émission et ainsi faire la transition avec Patrick et son émission Made in France, c'était ce soir le groupe emblématique de la scène New Wave française, le groupe emmené par Nicolas Sirkis. Bien entendu, vous l'aurez reconnu, c'était Indochine avec ce fameux titre culte, j'ai envie de dire, L'Aventurier. Plus de 30 ans après, c'est toujours aussi bon. Plus de 30 ans après, Bob Moran n'a toujours pas chopé l'ombre jaune, mais on s'en fout, c'est toujours trippant à écouter. Et pour continuer, je vous propose un autre groupe emmené par un chanteur charismatique, mais de la perfide Albion, celui-ci, Dave Gahan et les Anglais de Depeche Mode avec le titre Photographic. Depeche Mode, Photographic, dans une version un peu différente de celle sortie sur l'album Speak and Spell en 1981. C'était Photographic, Some Bizarre Version. Un petit peu plus péchu que la version d'origine en ce qui me concerne, et elle est pas plus mal. Alors, à tout à l'heure, je vous ai très rapidement présenté cette nouvelle émission, mais je dois vous en dire un petit peu plus. Que va-t-on trouver dans l'heure du loup ? Eh bien, de la même manière qu'à l'heure où la lumière du jour décline et que l'obscurité reprend ses droits, ne dit-on pas d'ailleurs entre chien et loup ? Je vous proposerai dans l'heure du loup une sélection de musique sombre, pour ainsi dire. Ce sera principalement du rock, avec de nombreux détours du côté des scènes alternatives, comme le métal, l'électro ou la musique folk. Ainsi, vous trouverez tantôt du rock indé, tantôt de la new wave, parfois du métal, et souvent, aussi, du rock gothique. Et permettez-moi de vous dire que j'ai bien l'intention de vous faire oublier toutes les sottises que vous ont racontées la télévision, notamment à ce sujet. Bien entendu, il y aura ponctuellement aussi d'autres styles, la musique industrielle, la synth-pop, on vient d'en avoir un avant-goût avec ce morceau de Depeche Mode, ou bien encore le punk. Et tiens, Pour rendre hommage à ce mouvement fondateur du renouveau du rock qu'a été le punk, je vous propose un morceau des Buzzcocks, un groupe pionnier en la matière, et spéciale dédicace aux filles qui nous mettent des traces de lipstick, autrement dit de rouge à lèvres quand elles nous en embrassent, mais c'est pas grave, on les aime quand même. Tout de suite, les Buzzcocks avec le titre « Lipstick ». Taken away, will the watch be waiting? Say, taken away. Will you watch me waiting? Hey, At The Drive-In, excellent groupe américain qui n'existe plus, c'est un groupe emo qui s'est séparé il y a quoi, 5 ou 7 ans à peu près, mais dont les musiciens se retrouvent dans The Mars Volta, une formation de rock progressif baroque assez hallucinante et dont j'aurai l'occasion de vous reparler. C'était le morceau Pattern Against Users et c'était enchaîné juste avant avec Lipstick qui était un morceau des Buzzcocks, ce groupe un classique du punk. Maintenant, je passe à quelque chose de radicalement différent, quoique, avec un autre style que j'aime bien, dont la genèse est contemporaine à celle du punk, d'ailleurs il s'agit du psychobilly. Alors, que les choses soient claires, loin de moi l'idée de faire de la concurrence à Gabriel et à son excellente émission On The Rocks, que vous pouvez retrouver le mardi soir. Il est beaucoup plus calé que moi pour vous parler du rock de la vieille école, de surf music ou de rockabilly. Mais comme lui, j'aime le psychobilly, vous savez, ce style qui mélange avec bonheur le son du rock vintage des années 50 avec un humour macabre, plein de ghouls, de zombies, de vampires, de loups-garous. De loups-garous, tiens, ça tombe bien, on est dans l'heure du loup. Et pour commencer, puisque la nuit est largement tombée, je vous propose de continuer cette playlist avec le groupe Tiger Army et le titre Nocturnal. Johnny. glass and age. I focus eye. It must be the lesson hidden deep inside. It must be the lesson. So hold it tight. Le beau Peter Murphy vous a tapé dans l'œil ? C'est normal, car à l'instant c'était le morceau Kick in the Eye du groupe Bauhaus, interprété par ce dandy ténébreux qu'est Peter Murphy. Ça faisait suite au morceau de ce groupe californien Tiger Army et le titre Nocturnal. Peter Murphy, chanteur du groupe Bauhaus, disais-je. Alors vous savez, le Bauhaus, c'est ce mouvement artistique allemand des années 1920 qui avait été très novateur en matière d'architecture et de design notamment. Eh bien, Peter Murphy et ses amis, au début des années 80, ont repris ce terme, Bauhaus, pour le nom de leur groupe. Et notamment, j'aime bien la manière dont ces gars-là, sous leur côté précieux et taciturne, ne se prennent pas au sérieux. Par exemple, dans une interview, il racontait qu'au début des années 1980, en venant de la scène punk et en incorporant des influences issues du glam rock et du cabaret dans leur musique, les musiciens de Bauhaus et Peter Murphy avaient inventé le rock gothique, sans le faire exprès. Vous y croyez, vous ? C'était une belle invention, vous me direz. Et tiens, puisque je parle de ça, je suis carrément sûr que quand j'ai prononcé le mot gothique tout à l'heure, quand je vous ai parlé de cette musique-là tout à l'heure, vous vous êtes dit « Ah tiens, pour sûr, il va nous passer du Marilyn Manson ». Bah, laissez-moi vous dire que c'est un gros préjugé de votre part, chers amis, mais pourtant, vous n'avez pas tout à fait tort. Bien que beaucoup de gens fassent la confusion et considèrent Manson comme gothique alors qu'il s'agit de musique métal, je vais vous en passer de temps en temps pour une raison très simple. C'est un homme qui a du talent. Et pour commencer, on va commencer avec quelque chose de calme, et cet extrait de l'album Mechanical Animals, sorti en 1998, Disassociative. Allez, Marilyn Manson peut être parfois calme, mais c'est trompeur. Tell you what. did lock the door, latch the windows, didn't you? Yes, you are safe, and your will is strong. There is no room for superstition in your mind. Is there? Is there? Don't be too sure. Le terme gothique, encore lui, ramène au Moyen-Âge. Ça n'a donc rien d'étonnant à ce qu'il y ait des influences médiévales dans la musique que je vous diffuserai de temps à autre dans l'heure du loup, notamment avec ce groupe phare qui est Dead Can Dance. Le nom du groupe ne vous dit peut-être rien, mais vous connaissez certainement Lisa Gerrard, la chanteuse de ce duo. Enfin, là c'était un morceau instrumental pour le coup, mais je vous jure que je vous ramènerai un jour un morceau avec la magnifique voix de Lisa Gerrard du groupe Dead Can Dance, parce qu'elle a collaboré notamment à des bandes originales de films comme Gladiator, donc c'est une voix que vous connaissez sans doute, j'aurai l'occasion de l'illustrer un peu plus tard. Et là, avec son acolyte Brendan Perry, elle réinterprétait ce morceau anonyme du 14e siècle, Saltarello. Ça faisait suite juste avant avec un morceau métal de Marilyn Manson, Disassociative. Marilyn Manson, je crois qu'il y a un artiste apprécié par un des animateurs de l'émission Génération Vidéo, Super Barbu, auquel on fait un petit bisou en passant. Allez, après ce grand écart musical du métal au médiéval, dans l'heure du loup sur Osmose Radio, vous êtes toujours avec nous et ça me fait plaisir que vous soyez derrière votre téléphone ou derrière votre ordinateur. Je vous propose maintenant d'aller vers des choses un peu plus calmes, parfois peut-être plus difficiles d'accès que ce que l'on vous a proposé en première partie d'émission, peut-être propre à éveiller votre curiosité dans cette seconde partie d'émission. Alors voici un projet musical que j'aime beaucoup, dont je vous parlerai régulièrement, il s'agit de Dernière Volonté. Ouh, quel titre macabre, vous me direz, mais c'est un projet musical intéressant mené seul par Geoffroy, qui incorpore dans ses chansons pop un côté martial et minimaliste et froid qui vient de la musique industrielle. On accroche ou on n'accroche pas, je vous l'accorde, mais force est d'admettre que c'est intéressant, que cet homme-là a du talent, et nous allons nous en faire une idée avec le titre « La nuit revient » tout de suite. »

Selene Schmerz par le groupe électro-allemand Blutengel. C'était enchaîné avec le groupe, le projet musical français Dernière Volonté avec le titre La Nuit Revient. Vous me direz, à cette heure-ci, la nuit est revenue depuis un moment déjà. Blutengel, vous disais-je à l'instant, c'est un groupe que j'aime bien malgré son côté cliché. C'est vraiment un groupe emblématique de la tendance électro-gothique allemande. Au niveau du son, il est assez cliché. Au niveau visuel, il est tout aussi cliché puisqu'il s'agit d'un chanteur et de deux demoiselles qui l'accompagnent. Et vraiment, ils ont sur les photos, sur les visuels du groupe, ils ont ce côté vampire, un peu précieux, un peu snob même parfois. Mais tant que la musique suit, ça ne me gêne pas. Il y a des groupes qui se prennent au sérieux et qui n'ont pas autant de talent. Quant à Selene Schmerz, ce morceau de la fin des années 90, du début des années 2000, pardon, quand je l'ai fait écouter, beaucoup de gens m'ont dit que ça leur rappelait la Dream Music du début des années 90. Vous avez Robert Miles, la bande originale de X-Files, tout ça. Il faut reconnaître que c'est un argument qui fait mouche, je reconnais que c'est un petit peu vrai. Voilà, voilà, le temps passe vite, chers amis, et avant que j'oublie un détail, tout à l'heure, à l'instant je vous parlais de vampires, tout à l'heure, vous avez pu avoir un petit intermède avec la voix du célébrissime acteur de films d'horreur, Christopher Lee, cette belle voix grave, avec laquelle il jouait dans les films de la Hammer des années 60 et 70, avant d'incarner un seigneur Sith dans le Star Wars, avant d'incarner un méchant magicien dans Le Seigneur des Anneaux, etc., etc., donc Christopher Lee, un intermède de film comme je vous en mettrai de temps à autre en jingle dans cette émission qui s'appelle l'heure du loup, au terme de laquelle on arrive et que je vous remercie chers amis d'avoir suivi avec nous. Avant de nous quitter, quelques remerciements tout de même. Je tiens à remercier Dominique qui m'a permis de mettre en place cette nouvelle émission sur la grille horaire d'Osmose Radio. Je tiens à remercier Abel et Jimmy, les dieux de la technique dans cette petite cellule qui est le studio de la radio. Je tiens à vous remercier, vous, chers amis, d'avoir été au rendez-vous. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ce kaleidoscope musical que je vous ai proposé pendant une heure avec du rock, avec de la new wave, avec du punk, avec du metal, avec de l'électro, avec de la musique médiévale et tutti quanti ne vous a pas trop déboussolé. Croyez bien que d'une émission à l'autre, ce sera un petit peu toujours ce beau bordel musical, passez-moi l'expression, et auquel je vous convierai désormais tous les lundis soirs. Kaleidoscope musical, disais-je, remerciements à tous ceux qui m'ont permis de mettre en place ce projet, et on va aller tout doucement vers la fin de l'émission avec un autre aspect de ce kaleidoscope musical, vous disais-je. Que je vous propose et que j'espère que vous aurez plaisir à écouter. J'espère que vous reviendrez visite à Osmose Radio, donc en cette heure du loup, et pour nous quitter, je vous propose un style musical qui sera radicalement différent de ce qu'on a écouté ensemble pendant une heure, mais qui restera dans le même spectre d'émotions. Je m'explique. Pour conclure chaque émission, je choisirai un artiste assez différent donc de ceux qu'on aura écoutés qui viennent de la mouvance rock, new wave, etc. Tantôt ce sera du jazz, tantôt du blues, tantôt de la musique classique, que sais-je, ou bien de la chanson française, comme ce soir. Et justement, pour conclure cette première émission, j'ai choisi une de mes artistes françaises préférées, bien qu'elle nous ait quittés depuis quelques années déjà. Il s'agit de celle qu'on appelait la longue dame brune, la dame en noir. Vous l'aurez reconnu, c'était Barbara, avec sa chanson « Le mal de vivre ». Qu'elle interprétait à l'Olympia quelques années avant qu'elle ne nous quitte en 1998. Et je vous propose de nous quitter avec ça, chers amis. Je vous laisse avec la playlist d'Osmose Radio. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de l'heure du loup dans laquelle je vous emmènerai faire un petit tour dans la playlist du côté de la Sainte Russie à l'occasion du réveillon russe qui aura lieu bientôt, puisqu'on est à la mi-janvier et que ces couillons orthodoxes peuvent rien faire comme tout le monde. Allez, bis mes loulous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, je vous laisse avec ce dernier morceau, Barbara, le mal de vivre, mais que ça ne vous pousse pas à la mélancolie, puisque moi j'étais très heureux d'avoir été avec vous ce soir. Salut, à bientôt. C'est là,